6. À l'église de Castillac, dans une chapelle des bas-côtés, le prêtre dit la messe pour l'enterrement de la petite Rose. Il y a quelques personnes, des ouvriers, des gens de la basse ville, des voisins. Il y a le père de la petite Rose, et auprès de lui, Laurent. Il y a de l'autre côté Anatolie et la tante Pauline. Anatolie auprès du cercueil prie et rêve parmi ses prières. Elle a voulu que le service fût très simple et digne, pourtant de l'amitié compatissante qu'elle avait pour la petite Rose. Elle a ordonné toutes choses avec beaucoup d'attention. Elle a vu mettre dans le cercueil le corps puéril. Elle a posé sur le front et les cheveux une couronne de fleurs et d'herbes odorantes, comme il est commandé par le rituel romain pour les petits êtres qui meurent en état d'innocence. Elle a entendu la cloche grêle annoncer la messe, et non avec des battements lugubres, mais avec un son de fête, car une âme qui retourne à Dieu avant l'âge du péché, c'est une fête. Elle a entendu les psaumes, non pénitents mais joyeux, Laudat, Pueri, Dominum, Laudate Nomen Domini, et le sublime paradoxe de la liturgie, relevant de spiritualité pure et parfaite la misère du corps défunt, ne l'étonne pas et la touche. Elle suit les péripéties de la messe, elle les accompagne, Omnipotens et Mittissime Deus. Tandis que le prêtre dit les paroles latines, elle lit dans son paroissien les mots français de l'Oremus, Dieu tout-puissant et très doux, qui à tous les petits enfants régénérés par l'eau du baptême, fait aussitôt quand ils émigrent de ce monde, et sans avoir à leur compter nul mérite, largesse de la vie éternelle, comme nous croyons que tu fais aujourd'hui pour l'âme de cette petite enfant. Anatolie, en appelant très doux, le Dieu qui épargne les âmes, non les corps, tressaille à peine. Elle est rentrée dans sa pensée religieuse. Elle prie. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Depuis qu'elle a l'âge de prier, et même dans les moments de sa jeunesse émancipée, elle n'a point manqué un jour de réciter le Pater. Mais aujourd'hui, les mots de la résignation prennent pour elle un sens plus vif et beau. Ce n'est pas la résignation seulement, comme accablée sous le fardeau inévitable, c'est la connaissance intelligente et claire d'une volonté souveraine. Mittissime Deus fiat voluntas. Anatolie ne doutait pas de Dieu. Mais ce n'est rien de croire à Dieu, et la piété est de sentir, par Dieu, le monde accordé, les détails du monde mis en harmonie, le monde humainement acceptable. Fiat voluntas. Le monde est acceptable humainement, si la mort n'y apparaît plus et n'y éclate plus comme un scandale. Il est rare qu'on meure, disait ce médecin. Et il est, songeait Anatolie, perpétuel qu'on meure. Il disait, nous vainquons la mort à toute minute. Et nous cédons à la mort à toute minute, songeait Anatolie. Nos corps qui perdent leur santé, nos cœurs qui perdent leurs amours. Présomption, mensonge, de limiter la mort au dernier désastre. Et menteurs ou présomptueux, les tenants d'une vie où la mort est dissimulée. L'erreur de Paulin, l'erreur de tous ces faiseurs de faux avenir, Anatolie la voyait en plein. S'il n'y avait point la mort, on pourrait et même on devait chercher l'organisation de la vie. Mais la vie est organisée à jamais, et de par la mort. Ils cachent la mort et font semblant de trouver autre chose. Fiat voluntas. Avec l'idée présente de la mort, la vie n'est plus ni absurde, ni effarante, ni insupportable. Et l'idée de la mort, abrégeant toute langueur, encourage toute patience. On n'a plus besoin d'un tel divertissement, pour une courte destinée, et à laquelle préside la volonté qui doit s'accomplir. Anatolie regarde sans épouvante et sans ennui devant elle sa destinée. Elle voit des journées pareilles, ornées de charité. Elle ne prétend pas à des aubaines. Du soleil passe dans les vitraux. Elle ne prétend pas à des aubaines, mais elle recevra les aubaines qui tombent sur les journées tranquilles, comme sur les fleurs qui entourent la mort de la petite Rose, tombent les rayons du soleil. Elle voit dans sa destinée Laurent, et la tendresse de Laurent. C'est une aubaine. C'est une petite aubaine que refusait une tête chimérique. La vie bornée par la mort. Anatolie n'a plus peur de l'ennui. Fiat voluntas. Et il n'est de folie que la révolte. Révolte de Paulin, la sienne aussi. Anatolie songe à la révolte qui fut la sienne. À quoi folle s'attendit-elle? Que voulut-elle, dupée par l'idée d'une vie sans mort? Il n'est de folie que la révolte. Elle est toute la tentation que l'on prie Dieu, qu'il vous épargne. Pater noster. Le prêtre a dit ces deux mots à haute voix. Il continue en silence l'oraison. Fait le tour du cercueil et l'asperge deux fois d'eau bénite. Anatolie, en même temps que lui, récitait mentalement l'oraison, et elle entend la forte voix du prêtre qui lui souligne tout son vœu. « Et de nos inducas in tentationem. » Fin.